La science CQFD, Natacha Triou. En ce moment à Paris, à la grande halle de la Villette, dans l'exposition Ramsès, on peut admirer tout le faste autour de l'embaumement des pharaons. Mais quelle est la recette de la vie éternelle des momies ? Un peu partout, pas seulement en Égypte, il existe pléthore de techniques de momification et ce dans le monde entier. Si les momies égyptiennes fascinent depuis l'Antiquité, c'est parce qu'elles sont particulièrement abouties. La capacité des anciens égyptiens à préserver les corps a également toujours interrogé par quel processus chimique y sont-ils parvenus. Une étude récente vient de percer ce secret et nous éclaire sur cette cuisine de l'embaumement. Momie, embaumée, c'est pesé. Samuel Guérin, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes docteur en égyptologie, archéologue à l'INRAP et co-responsable mission archéologique en Égypte, Tel El Issouid. Avec nous également Maxime Rajot, bonjour. Maxime Rajot, vous êtes avec nous. Et oui. Oui, bonjour Maxime. Vous êtes chercheur en archéologie biomoléculaire à l'université de Tübingen, spécialisé dans l'étude des ressources biologiques dans l'alimentation ou le traitement des corps. Et avec nous également Nicolas Delestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'étude des conservations de la dépouille humaine, directeur des centres de formation AFIT. Merci à vous tous d'être là avec nous en direct des studios de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, on vous propose un live tweet sur Twitter pour retrouver toutes nos sources et toutes les études citées durant cette discussion. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des origines de l'embaumement, des différentes techniques qui diffèrent selon les époques, de ce que permet l'archéologie moléculaire pour comprendre les cocktails utilisés par les embaumeurs. On commence par les fondamentaux. Quelle est l'origine du mot « momie » ? La question est posée sur notre antenne en 1979. Le terme « momie » est finalement un assez mauvais terme s'appliquant au corps embaumé des anciens Égyptiens, puisqu'il vient du mot persan « mumia » qui signifie le bitume. Or, jamais ou très rarement, les momies ont été conservées dans le bitume. La plupart du temps, elles étaient enduites de résine ou simplement desséchées et enduites de rien du tout, mais le bitume est très rarement retrouvé sur les corps égyptiens. Ça n'est qu'à la basse époque, tout à fait à la période de la décadence, qu'on retrouvera des traces de bitume sur certains corps. Mais c'est l'aspect noirâtre des momies, dû au noircissement de la résine au contact de l'air, et qui fait que l'on a pris cette substance pour du bitume et qu'on a donné le nom de mumia, puis de momie. Voilà la voix de Jean-Pierre Campana, médecin légiste. Samuel Guérin, une réaction à notre archive du jour ? Oui, tout à fait. Les momies sont souvent présentées comme avec des corps noirs, plutôt foncés. Et les bandelettes, parfois, sont également badigeonnées de ces résines noires, comme cela vient d'être spécifié. Et d'où, justement, cet amalgame entre le bitume, qu'il soit végétal ou minéral. Voilà, il y a toujours eu cet amalgame de fait. Mais il s'agit effectivement plutôt de résine ou d'huile qui se sont transformées au cours du temps. Maxime Rajot, votre réaction vous aussi à cet extrait sonore ? Ah oui, ouais, votre extrait est assez intéressant finalement parce que l'interlocuteur avait en partie raison et en partie tort. C'est qu'effectivement, le bitume n'est bien souvent pas retrouvé, mais il apparaît quand même pas mal hein, dans la momification à partir du Nouvel Empire et surtout à partir du premier millénaire avant notre ère, donc à partir de la troisième période intermédiaire. Donc c'est à la fois vrai, tout ce qui est dit, hein, tout ce qui est substances naturelles peuvent noircir au cours du temps et avoir cet aspect de bitume. Et donc on peut le confondre, mais il y a quand même eu du bitume pendant un bon petit moment quand même dans la momification égyptienne. Nicolas Delestre, le mot momie fait référence aux momies égyptiennes. Le mot embaumement, lui, c'est un terme qui apparaît beaucoup plus tard. Mais juste pour rebondir un tout petit peu sur l'extrait sonore que vous avez passé, il est intéressant aussi par la personne qui intervient, le docteur Campana, montre en fait l'intérêt des médecins légistes, notamment docteur Campana et docteur Durigon, sur la fin du XXe siècle pour l'étude de ces momies, qui est un intérêt grandissant de la médecine légale. Et effectivement, embaumement, le terme embaumement vient du terme embalsamicus, d'utilisation de substances balsamiques, et donc dans la préservation des corps, on utilise ces substances balsamiques. Donc il y a une différence notable entre le terme de momification et le terme d'embaumement. Alors pour prolonger Nicolas Delesse, quelle est la différence entre l'embaumement et la momification ? Ah, on a un petit délai avec Nicolas Delestre. Je ne sais pas si vous nous recevez ou si vous êtes perdu dans les limbes et les ondes téléphoniques. Bon, je vous pose cette question à vous aussi, Samuel Guérin. Quelle différence donc entre embaumement et momification ? La momification est un concept général, en fait, hein, qui va du transport du corps au moment de son décès sur la rive ouest du Nil pour sa préparation à l'embaumement. Et voilà, donc il y a à la fois le côté pratique de la momification, voilà, tous les gestes qui vont être effectués par les spécialistes, les embaumeurs, hein, ce qu'on appelait les outillous. Et puis il y a bien sûr l'association avec les prêtres lecteurs, hein, qui vont ritualiser tout le process. Maxime Rajot. Allô? Ça a ajouté là-dessus, hein, effectivement, c'est plus de la compétence de des autres interlocuteurs. Ah, Maxime Rajot. Pour cette différence entre embaumement et momification, hein, il faut quand même noter que la momification, ça peut être quelque chose de naturel, de spontané, alors que l'embaumement, ça nécessite forcément l'action humaine, Samuel Guérin. Oui, effectivement, les premières momies qu'on va retrouver sont plutôt les momies donc naturelles, spontanées, qui donc étaient des corps enterrés à même le sol, et donc généralement dans le sable, et qui se sont donc desséchés tout à fait naturellement. Voilà. Et donc, dès l'époque pré-dynastique, hein, il y a 3000, aux alentours de 3005, 3006 avant notre ère, voilà, on trouve les premières momies, au sens propre du terme, qui ont fait l'objet de premiers embaumements, puisqu'on trouve sur certaines de ces momies pré-dynastiques les premières traces de baume utilisées dans le but de conserver ces corps. Donc un but vraiment clair et net. Voilà. Et ces momies sont très peu nombreuses. Hein. On en possède une petite vingtaine dans tous les grands musées du monde d'égyptologie. Et pour en citer une, il y a la momie de Turin qui a fait l'objet assez récemment d'études. Et qui ont permis, ces études ont permis effectivement de trouver des restes de baume et d'antibactériens, hein, chose qu'on a utilisée pendant toute la période phare de la momification, de l'embaumement, le Nouvel Empire. Cette momie de Turin, hein, qui a permis de voir que les origines de la momification égyptienne est beaucoup plus ancienne. Tout à fait. On pensait Nicolas Delestre. Donc ces momies on parle de ces momies volontaires, mais on imagine, hein, que les premières momies, ce sont les momies involontaires. Alors, on parle toujours en fonction des momies retrouvées, c'est-à-dire des corps retrouvés. Aujourd'hui, les plus anciennes momifications existantes sont les momifications de Chinchorro, en Amérique du Sud, sur les bords du désert d'Atacama. On est à 5500 avant notre ère, donc on est quand même longtemps avant l'Égypte. Ces préservations sont devenues patrimoine mondial de l'humanité en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, ce sont les plus anciennes traces existantes. Mais on se place toujours dans le concept de dire découverte aujourd'hui. On peut toujours trouver des choses en archéologie qui vont faire remonter encore plus anciennes les traces de première momification. Alors sur ces momies de Chinchorro, hein, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021, Nicolas Delesse, quelles sont la particularité de ces premières momies ? Oui, c'est 2021, pardon. Alors, en fait, la particularité, c'est que ce sont des momies, en fait, où on a trois types de momies Chinchorro, les momies rouges, les momies noires et les momies dites manteaux. En fait, les premières momies vont être, on va utiliser du manganèse. Donc, en fait, on va retirer la peau, on va tanner la peau, on va consolider les ossements en retirant les chairs avec des branchages, on va remodeler un corps ou une apparence de corps, et on va repositionner la peau sur cette apparence de corps. Ces momies sont positionnées contre les habitations ou à l'intérieur des habitations par les Chinchorro, et du coup vont être conservées très longtemps. Maxime Rajot, comment est apparu l'embaumement en Égypte antique ? Quelles sont les origines de la momification égyptienne ? Alors en fait, bah, pour finalement compléter ce qu'a commencé à dire Samuel Guérin, depuis la période préhistorique, on s'aperçoit que des momies ont été traitées, notamment avec les premières momies au 4e millénaire, voire à une à 4300, si je me rappelle, avant notre ère, où c'était surtout des graisses et des huiles végétales qui ont été utilisées. Donc probablement un aspect pour préserver, enfin, préserver le corps des moisissures et de la pénétration de l'eau dans les pores, etc. Mais rapidement, on a commencé à avoir un petit peu de résine de pin, donc des substances importées, notamment pour le côté antiseptique. Là-dedans, on peut englober l'antibactérien, l'antifongique. Donc, on voit que dès la préhistoire, on a préservé ces momies, peut-être parce que dans certaines tombes, c'est un peu plus humide qu'à l'extérieur, on va dire plus en surface où c'est assez sec en Égypte, mais si on commence à enfouir les momies, c'est peut-être un peu plus humide. Donc, il y a un intérêt peut-être à utiliser le baume, enfin, certains baumes en tout cas. Et puis après, bon, bah, petit à petit, au cours du temps, et notamment à partir de l'an 1000, finalement avant notre ère, on commence à avoir des complexifications de plus en plus importantes et des ajouts de différentes résines, de différents produits qui vont s'agréer avec des confections de baumes de plus en plus complexes. Voilà. Samuel Guérin, on peut compléter et poursuivre ce petit point chronologique de la momification égyptienne. Oui, on se rend compte que la momification est pas linéaire. En fait, elle va évoluer au fil du temps. Voilà, on parlait des momies prédynastiques qui sont voilà qui montrent les tout premiers signes d'embaumement, mais c'est véritablement à partir de l'ancien empire où on voit les premiers corps momifiés, hein, notamment on a Étéphérès, la mère du roi Khéops, qui montre des signes clairs d'embaumement, de momification. On conserve notamment un coffre qui devait comporter les quatre vases de Canope qui conservaient ses viscères. Et puis, cette momification va progresser durant le Moyen Empire et puis va surtout trouver son apogée au Nouvel Empire, à l'époque des grands pharaons que l'on connaît bien, tels que bon, Toutankhamon, les Ramsès, les Aménophis. On va beaucoup s'occuper du corps lui-même jusqu'à cette période-là. Et puis, aux périodes plus tardives, à partir de la basse époque, on va s'occuper plutôt de l'enveloppe plutôt que du corps. Voilà, on va s'intéresser davantage aux bancs de l'étage et au cercueil du défunt. Voilà. Nicolas Delestre, pourquoi l'embaumement? Pourquoi a-t-on cherché à préserver autant que possible les corps? Alors, ça va dépendre des civilisations, évidemment, et des cultures. Plusieurs possibilités. Évidemment, pour ce qui est de la culture égyptienne, je laisserai la parole à mes deux collaborateurs, puisque de toute façon, ils sont beaucoup plus fidèles là-dedans. On peut conserver les corps pour honorer le défunt et le faire entrer dans la famille. On va aussi, par exemple, chez les Celtes, conserver les corps pour faire peur, pour pratiquer la guerre psychologique. On peut conserver les corps pour énormément de raisons. Là, on parle évidemment de conservation avec empreinte humaine, c'est-à-dire qu'avec volonté humaine. Après, la conservation naturelle, c'est totalement autre chose, mais la conservation des corps de façon volontaire a une empreinte rituelle, une empreinte culturelle, une empreinte aussi psychologique pour la conservation de l'individu, de la famille. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on conserve les corps. Maxime Rajot, la conservation des corps en Égypte, la première raison, elle est rituelle et spirituelle. Oui, évidemment, puisqu'on est dans des contextes funéraires, mais il faut pas non plus sous-estimer l'aspect, on va dire, chimique d'un point de vue empirique des substances exploitées, puisqu'à chaque fois, les produits utilisés ont des propriétés, donc soit odoriférantes, donc contre les odeurs qui peuvent se dégager lors de la putréfaction des corps, mais également antiseptiques, antifongiques, antibactériennes. Toutes ces substances, la plupart des substances, des résines, des baumes utilisés ont ces produits qui ont ces propriétés. Donc on peut considérer finalement que les prêtres embaumeurs avaient intégré cela dans tout ce qui est processus de momification, d'embaumement. Et Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas non plus sous-estimer, je pense. Mais justement, par quel processus chimique et rituel les Égyptiens sont-ils parvenus à préserver les corps à ce point? Votre étude, Maxime Rajo, parue en février, a permis d'éclairer une partie de ces pratiques d'embaumement. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h15 sur France Culture, nous parlons de techniques d'embaumement avec Samuel Guérin, Maxime Rajo et Nicolas Delestre. Nous venons de voir que l'embaumement des corps en Égypte antique a commencé dès le 4e millénaire avant notre ère. Au fil du temps, les pratiques et techniques ont beaucoup évolué. L'Égypte antique, c'est 3500 ans de civilisation et plus de 600 techniques d'embaumement qui ont évolué donc au cours du temps. Mais Samuel Guérin, quel est le protocole type de l'embaumement, étape par étape? Alors, l'embaumement répond effectivement à différentes interventions, dont les deux principales sont en fait l'éviscération du corps et ensuite sa dessiccation. Donc, l'éviscération consiste à éviscérer la cage thoracique et la cage abdominale en pratiquant notamment une incision sur le flanc gauche. L'embaumeur se situe donc lui-même à la gauche du défunt et retire à bras nus les organes donc de la cage thoraco-abdominale. Il laisse en place en revanche le cœur, qui est un organe primordial, c'est le siège de la pensée chez les Égyptiens, et donc il doit impérativement rester à sa place. Une deuxième étape consiste à extraire le cerveau. Alors, cette étape n'est pas primordiale en soi. Elle le sera beaucoup plus durant les périodes tardives. Hein. À partir de la basse époque et durant toute l'époque gréco-romaine, on est à environ à 70% de momies dont on a extrait le cerveau. Mais dans les périodes précédentes, le cerveau est extrait de manière parcimonieuse au fil du temps, en fait. Comment on extrait un cerveau? Alors, comment on extrait le cerveau? Eh bien, c'est un peu ragoûtant, mais on utilise un crochet, en métal, en bronze exactement, qu'on insère par la narine après avoir cassé le nez, en fait. Et puis, on découpe, on mâchouille le cerveau en petits morceaux. Voilà. Et avec des liquides, on en extrait donc cette bouillie toujours par les voies nasales. On pouvait éventuellement aussi ouvrir la boîte crânienne. Hein, dans certains cas, on a ce procédé-là. Quoi qu'il en soit, ensuite, la boîte crânienne était remplie en partie d'un liquide, souvent une résine, qui a pris cette couleur très très noire, hein, qui remplit la moitié de la boîte crânienne généralement, et qui va se solidifier, qui avait pour but aussi de solidifier la tête au tronc. Hein, car pour les Égyptiens, il était impératif de pouvoir conserver sa tête, et notamment son visage, pour être reconnu dans l'au-delà. Sans quoi la survie dans l'au-delà n'était pas possible. Voilà. Maxime Rajo, concernant les baumes, ce ne sont pas les mêmes qui sont utilisés à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Oui, et puis dans le temps aussi, probablement, il y a eu de l'évolution. Donc c'est pour ça que parler globalement au niveau des baumes exploités, et selon peut-être même aussi le statut de l'individu embaumé. Et puis même selon l'endroit, hein, par exemple, nous avons des baumes dans l'étude consacrée sur les embaumements à Saqqara, par exemple, au niveau de la tête, on a dans les baumes l'ajout de résine de pistachier qui est plus important que dans d'autres endroits. Décidément, notre connexion avec Maxime Rajo a planté. On spécifie selon le temps, selon les indices. Vous m'entendez ? On a une très mauvaise connexion avec vous, j'en suis désolée, Maxime Rajo. On parlait des différentes. Et là, je vous reçois bien. On parlait justement des différences de baumes qui ont évolué au cours du temps. On parlait de ces dômes. Pour finir, quand même, point étape important, Samuel Guérin, hein, pour terminer, on ajoute les bandelettes. Oui, alors avant d'ajouter les bandelettes, il va falloir dessécher le corps. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le natron. Hein, qui est un carbonate de soude ou un bicarbonate de soude et qui va être utilisé sous forme de petits sachets ou de tampons insérés à l'intérieur du corps hein, pour le dessécher de l'intérieur dans un premier temps. De même, on va pareil dessécher les organes qui sont prélevés et qui sont conservés par ailleurs. Et dans un deuxième temps, on dessèche l'ensemble du corps en le recouvrant de ce natron. Voilà. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'ensemble du processus prend 70 jours. Voilà, hein, c'est ce que l'on retrouve dans les textes, notamment chez l'historien grec Hérodote. Hein, il parle de ces 10 décades et 70 jours nécessaires à la momification d'un défunt égyptien. Voilà. Et lors d'un embaumement, on éviscère le corps, les viscères sont placés dans des vases pour être préservés, les canopes. Seul le cœur reste à sa place, ça c'est une technique qui va perdurer. On voit, Samuel Guérin, on voit hein, qu'au cours des siècles, cette pratique se professionnalise. C'est une bonne situation ça, embaumeur ? Alors, je crois que Maxime pourrait nous en parler parce que, de par ses découvertes, on sait qu'effectivement, il y avait tout un commerce organisé, notamment autour de des huiles, des baumes, des aromates. Et au-delà de ce commerce, on sait que les embaumeurs vendaient leurs services aussi à la population. Cette population répondait selon sa classe sociale, évidemment. Et on retrouve comme ça des écrits qui nous stipulent donc chacun répondait différemment selon son statut finalement. Voilà. Maxime Rajot, vous êtes l'un des auteurs de l'étude Nature parue en février. Vous avez eu accès à un atelier d'embaumeur découvert en 2016 à Saqqara, au sud du Caire, un atelier du 7e siècle avant notre ère. Ça, la découverte de l'atelier d'un embaumeur, c'est une chance pour les archéologues. Oui, oui, c'est pour ça que je voudrais rendre hommage à mon collègue Ramadan Hussein hein, qui a fait cette découverte, puisque oui, d'une part c'est assez rare, et puis d'autre part cet atelier d'embaumeur à Saqqara était assez exceptionnel, puisque la chambre d'embaumement se situait sous terre avec une série de galeries et de drainages qui correspond tout à fait à une chambre avec des aérations pour traiter les corps des défunts. Et c'est dans cette chambre finalement souterraine, à 13 mètres sous terre, qu'on a trouvé la cachette d'embaumeur, c'est-à-dire une quantité importante de récipients, de pots, de bols, de gobelets, avec des inscriptions et sur lesquelles étaient inscrites justement des instructions d'embaumement. Et donc, la chance qu'on a eue, c'est que cette découverte a été fouillée minutieusement et fait appel à une série de spécialistes dont je fais partie. Ça peut être les spécialistes des textes et des inscriptions hiératiques et démotiques qui ont permis, donc des collègues qui ont permis de déchiffrer ça, et moi et mes collègues égyptiens qui ont travaillé sur l'analyse et l'extraction des restes organiques qui étaient préservés dans ces pots en céramique. Et en fait, dans tous ces pots en céramique qui mentionnaient des inscriptions à l'embaumement, on a pu extraire chimiquement les marqueurs moléculaires qui permettent de remonter aux produits, aux substances qui étaient utilisées. Oui, sur ces vases en céramique, il était inscrit « là, c'est pour le foie, là, c'est pour la tête ». C'est ça, Maxime Rajot ? Exactement, on a eu une série de poteries où il y avait inscrit « ceci a servi pour le traitement de la tête, pour embaumer ou pour envelopper le corps ». Il y a même des pots qu'on a pu identifier où il y avait écrit « pour le laver, pour rendre son odeur plaisante ». Ou même pour rendre sa peau plus belle. C'était assez intéressant puisqu'on a pu corréler ces inscriptions et les substances. Par exemple, celle pour rendre son odeur plaisante était un mélange de graisse de ruminant avec une résine de bursière assez dégradée. Donc c'est la famille des encens, si vous voulez, Zélémie. Et l'Élémie, pour laver son corps, c'était une huile ou un goudron de conifère. Puis on a pour rendre sa peau plus belle, on avait un mélange de graisse animale avec de la cire d'abeille mélangée. Alors vous avez analysé donc tous ces restes organiques de ces récipients. Vous découvrez que ces produits sont beaucoup plus élaborés qu'on aurait pu l'imaginer. Et surtout que la plupart de ces substances viennent de loin, voire de très loin. Oui, effectivement. En fait, il y a quelques produits, substances qui peuvent être disponibles localement, hein, notamment les graisses animales ou de ruminants qui auraient pu être présents. L'huile de ricin également était disponible en Égypte, la cire d'abeille. Mais après, la grande majorité, effectivement, ont été importées. La plupart viennent quand même probablement du monde méditerranéen, au particulier le Levant ou la Méditerranée, toute la Méditerranée orientale, par exemple, les huiles de cèdre ou les huiles de genévrier, voire de cyprès, sont disponibles à cet endroit-là, la résine de pistachier également. On pense pour le cèdre qu'il s'agit plutôt de Méditerranée orientale plutôt que de la région aujourd'hui de l'Atlas au Maroc, au niveau du Maroc et de l'Algérie aujourd'hui. Puisqu'ils avaient des connexions assez importantes, les Égyptiens avaient des connexions assez importantes avec cette région de la Méditerranée. On a même retrouvé du bitume, et le bitume est intéressant parce que géologiquement, il a une signature géologique précise. Et en fait, on peut retrouver les sources du bitume. Et en l'occurrence, on a pu s'apercevoir que le bitume exploité n'était pas un bitume proche de Saqqara et donc égyptien, mais un bitume qui a été importé de la mer Morte. Donc, en plus de tout ce package, si vous voulez, de substances, de produits naturels importés, on a découvert des choses encore plus surprenantes. C'est qu'ils ont importé des résines qui sont issues d'arbres qui poussent dans les forêts tropicales, notamment les lémis qui peuvent provenir des forêts tropicales africaines sud-est asiatiques, mais également le damar. Et le damar, c'est encore plus précis puisque c'est une résine qui vient des diptérocarpacées. C'est un type d'arbre qui vient d'Asie du Sud-Est. Donc là, on a pu montrer finalement l'importation de produits de résine de très très très loin, enfin beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser, et qui était partie intégrante de toute cette économie de l'embaumement, puisque en fait il fallait importer des produits, des matières premières de différents produits. C'était des produits qui ont été transformés pour fabriquer des huiles, de fragrances, etc. C'est des techniques de production. Puis après, dans l'atelier, il y avait également tout le mélange de ces substances qui se complétaient. Et ça, pour compléter ce que disait Samuel Guérin tout à l'heure, ça montre toutes les connaissances que devaient avoir ces prêtres embaumeurs et la connaissance des propriétés chimiques et biologiques de toutes ces substances et comment les agréger ensemble, comment les mélanger pour leurs propriétés spécifiques, que ce soit rituelles, chimiques, sur les momies. Et ça, c'est qu'on ne pensait pas que les réseaux commerciaux étaient si lointains pour ce business de la momification. Le rôle de ces baumes dans ce processus était resté assez flou jusqu'à présent. Nicolas Delestre, les momies d'Égypte sont les plus étudiées, mais c'est aussi là où la recherche est la plus complexe, car il y a eu une énorme dispersion. Oui, bien sûr. Et puis surtout, il y a eu une énorme évolution. Quand on parle de momies égyptiennes, souvent c'est un gros résumé parce que il y a eu une évolution énorme dans les techniques d'embaumement. Et du coup, en fait, on parle momie égyptienne, mais il y a énormément de phases d'évolution, d'avancée, de perfectionnement. Donc, en fait, c'est quasiment un terme générique pour quand on parle de momie égyptienne, parce qu'il y a énormément de techniques différentes. Samuel Guérin, sur ses difficultés à étudier les momies égyptiennes. Oui, effectivement, ces momies répondent à des critères différents selon les périodes. Donc, évidemment, les momies, lorsqu'elles sont encore en banc de l'été, c'est plus délicat. Au XIXe siècle, on avait tendance à enlever les bandelettes facilement. Et du coup, ça a contribué à la perte de nombreuses momies. Qu'elles soient de simples momies entre guillemets ou même des momies royales. Hein. On sait que par exemple en 1880, Maspero avait fait des bandelettes la momie de Toutmosis III, qui est quand même un grand pharaon, et les membres de son corps étaient détachés naturellement durant. Et du coup, en débandelettant la momie, eh bien évidemment, le corps s'est retrouvé disloqué. Il a fallu retravailler sur la momie à l'époque pour qu'elle soit de nouveau présentable. Donc, voilà, effectivement, ça pouvait être compliqué dans certains cas. Et Maxime Rajot, oui, lors de la période du 19e siècle, on a perdu donc beaucoup d'informations sur le contexte de l'embaumement. Oui, puisque finalement, il y a eu un tourisme de momies au XIXe siècle où beaucoup de momies ont été achetées finalement comme des souvenirs. J'en ai d'ailleurs prélevé une qui a été datée au radiocarbone dans un abbaye de Bavière dernièrement par le père de l'impératrice Sissi. Donc c'est des exemples comme ça, on retrouve un peu partout en Europe, dans les musées, mais même dans certains endroits, des momies où on peut les dater aujourd'hui avec le radiocarbone, mais Avoir plus d'informations sur le statut de la personne, d'où ils proviennent, c'est assez compliqué. Et après, dans les musées, de temps en temps, il y a évidemment beaucoup plus d'informations, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que les momies, on va dire fraîchement excavées, permettent de donner beaucoup plus d'informations. Hein, et puis, par rapport aux archéologues et aussi, hein, tout ce qui est dépôt autour des momies, des derniers rituels d'embaumement, etc. On a toutes ces informations qui sont très intéressantes et très importantes qu'on a avec les fouilles les plus récentes. Alors en Europe, la momification volontaire est arrivée tardivement. Que sait-on de l'embaumement médiéval en Europe? Restez à l'écoute, on part à la rencontre des momies de Notre-Dame de Paris, découvertes dans leur sarcophage. Claire Diterzi, sarcophage à 16h32 sur France Culture, car nous parlons d'embaumement et de momification avec Samuel Guérin, docteur en égyptologie, archéologue à l'INRAP, avec Maxime Rajot, chercheur en archéologie biomoléculaire à l'université de Tübingen, et Nicolas Delestre, spécialiste de l'étude des conservations de la dépouille humaine. Nous avons parlé dans un premier temps de l'économie et des techniques de l'embaumement de l'Égypte antique. Avançons un peu dans cette histoire et passons en Europe. Nicolas Delestre, les plus vieilles traces de momification en Europe datent du XIIe siècle au nord-ouest de l'Écosse. C'est un ensemble de momies dites Frankenstein. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est les momies de Claudie Gallagher, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation de la préservation des corps dans le but d'effrayer d'autres populations. Donc les momies de Claudie Gallagher, c'est un rassemblement de corps. Alors on présume que ce sont les corps d'une même famille dont on a pris certains membres, qu'on a rassemblés pour refaire une forme humaine approximative pour montrer à d'autres populations que si elles attaquent, il leur arrivera ça. Donc c'est une des théories. La seconde théorie est un changement de direction de la tribu et donc le sacrifice de la caste dominante pour un remplacement par une nouvelle. Ces momies ont été découvertes dans les tourbières qui ont la particularité de très bien conserver les corps. Oui, alors la tourbière, c'est un milieu un peu particulier puisque du coup c'est un milieu qui est extrêmement acide. Donc les tourbières, en fait, à cause justement de cette acidité, font que les corps sont extrêmement bien préservés, mais ont une particularité, c'est que l'acide détruit le calcium, donc il n'y a plus d'ossements. Donc les corps, en fait, tout est conservé, les tégument sont parfaitement conservés, mais il n'y a plus d'ossements. Donc l'état de ces préservations est extrêmement intéressant, puisqu'on peut même faire l'analyse du bol alimentaire ou ce qui a eu le cas il y a quelque temps, analyser les baumes utilisés pour les coiffures de ces corps. Donc on peut retrouver énormément de choses sur les momies des tourbières, oui. Alors en Europe, la momification volontaire est arrivée tardivement. On a surtout des momies naturelles. Nicolas Delest, pourquoi est-ce qu'on a peu de momies au Moyen-Âge quand on compare avec d'autres civilisations? Alors pour une raison toute bête, c'est que les connaissances de la préservation des corps qui provenaient d'Égypte ont été petit à petit oubliées. Vis-à-vis d'interdits, etc., elles ont été oubliées. La grande redécouverte de la beauté de la préservation des corps en Égypte est venue des croisades. Après les croisades, on arrive à une nouvelle volonté de préservation des corps par deux principes, la voie externe et la voie interne. Donc la voie externe, ce qu'on appelle la voie humide, c'est le fait de plonger le corps dans une substance, généralement de l'alcool additionné d'herbes, etc., pour imprégner le corps, après l'avoir éviscéré, après l'avoir excérébré, pour pouvoir le conserver. On fait également des trouées dans les téguments, donc dans les muscles, des trouées profondes, pour insérer des herbes aromatiques et des différentes substances, notamment du sel, etc., pour essayer de conserver au mieux le corps et supprimer, du moins ralentir, la putréfaction et ralentir également les odeurs associées à celle-ci. Ça, c'est la voie humide. La voie sèche, en fait, permet de la même façon, on fait directement les trouées et on va faire assécher le corps en enlevant le cœur et les organes internes pour pouvoir essayer de conserver le corps au mieux. Mais ces deux techniques, que ce soit la voie interne ou externe, sont des techniques qui sont très approximatives et qui ne fonctionnent que sur un très court laps de temps. Qui donc ne permet pas de conserver sur du très long terme. C'est pour ça qu'on a très très peu de momies conservées du Moyen-Âge. On en a quelques-unes en Italie, on en a quelques-unes en France, mais elles sont relativement rares, justement dû déjà au fait que les techniques n'étaient pas unifiées, c'est-à-dire que chaque préparateur utilisait sa propre technique, et que celles-ci donc n'ont pas fonctionné au mieux. Nicolas Delestre, comme vous dites, la pratique de l'embaumement, c'est une technique qui se développe lors des croisades. Pour quelle raison? Pourquoi ça se développe à ce moment-là en particulier? Alors, pour une raison toute simple, c'est que, en fait, il faut prendre le concept du rapatriement de corps. On se retrouve dans un problème géographique, d'un conflit éloigné du fief ou des possessions des personnes qui vont aller combattre. Et donc, lors du décès, le rapatriement de corps ne permet pas de rapatrier des corps dans un état suffisamment intéressant pour que la dépouille puisse être reconnue et autres. Et donc, il y a le principe aussi de la reconnaissance du corps pour permettre que la succession se fasse dans les meilleures conditions, que le fils, par exemple, puisse récupérer les terres du père, etc., celui-ci étant décédé. Donc, on a ce problème d'éloignement géographique qui fait qu'on va devoir ramener quelque chose pour prouver le décès de la personne. On va donc créer un nouveau concept, qui est celui qu'on va développer sous le nom de most tonicus ou dilaceratio corporis, avec quelques légères variantes entre les deux. Et ce principe, en fait, c'est en fait une tripartition, une partition du corps pour ramener les ossements et le cœur embaumés, parfois également les viscères, et on va faire dominer la pompe funèbre, le cortège funéraire, par une effigie, pour pouvoir avancer dans les terres en remontant. Most tonicus, hein, ce qui signifie morcellement du cadavre avec un unique défunt, on peut aussi avoir deux ou trois sépultures. C'est bien ça, Nicolas Delestre? Alors, most tonicus, non, c'est le fait germain. Ça signifie le fait germain. Dilacération corporis signifie la division des corps. Effectivement, en fait, ça va permettre d'avoir énormément de lieux de sépulture. Ça va développer un contexte graphique aussi, parce que vous avez en fait des représentations sur les tombes avec sur la main un petit sac. On sait que dans la tombe, il n'y a que les organes internes, il n'y a que les viscères. On va développer tout un contexte graphique autour de ces tombes. Il va y avoir beaucoup de lieux à honorer. Et ça va permettre, en fait, d'honorer des lieux qui ont, par exemple, été créés par les personnes de leur vivant. Donc, des monastères, des lieux de recueillement, etc. On va positionner dans ces lieux une partie du corps, donc les ossements, le cœur ou les viscères. Et du coup, des pèlerinages vont avoir lieu dans ces endroits. Effectivement, il va y avoir plusieurs tombes. Oui, c'est le cas, c'est par exemple de Richard Cœur de Lion. Mais parmi les découvertes récentes et les plus excitantes, on y arrive, il y a la découverte des deux sarcophages de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Lors des fouilles au cœur du chantier, deux corps ont été découverts l'an dernier. Un chanoine inhumé au XVIIIe siècle et un autre inhumé entre le XIVe et le XVIIe siècle. C'est notre reportage du jour et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Et vous avez rencontré les chercheurs des laboratoires de l'INRAP qui ont fait cette découverte. Oui, avec Nafi Terras de l'équipe, nous avons retrouvé Christophe Beignet, archéologue et responsable des fouilles de Notre-Dame de Paris. Il a, avec son équipe, exhumé deux sarcophages en plomb à la croisée du transept. Deux individus, un chanoine, comme vous l'avez dit, de 83 ans, nommé Antoine de la Porte, et un cavalier inconnu d'une trentaine d'années, sûrement mort de tuberculose. C'est ce cavalier anonyme qui aurait justement été embaumé dans son cercueil. On a retrouvé des restes de linceul, des bribes de feuilles et de fleurs, et surtout, son traitement funéraire révèle une sciure au niveau du crâne, suggérant bien une trépanation. Là, c'est vraiment le lieu de stockage de tout le mobilier archéologique qui sort des fouilles. Donc tout est référencé évidemment par lieu. Voilà, c'est, par exemple, c'est une opération qui a lieu à Paris. Là, on a des caisses en fait qui sont annotées, référencées. Ouais, exactement. Ouais. Et à l'intérieur de chaque caisse, voilà, c'est par type de mobilier. Et on sait exactement d'où ça vient, parce qu'il faut toujours savoir d'où vient le mobilier archéologique, à la fois le site, mais aussi très précisément sa position dans le site archéologique, dans ce qu'on appelle une unité stratigraphique. Alors c'est vrai que les cercueils en plomb, c'est pas très rare, mais c'est quand même très très peu courant. On en connaît déjà depuis l'Antiquité. Après, la pratique s'est perdue et elle est réactivée en fait à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, surtout à partir du XVIe siècle. Et les personnes qui sont inhumées dans des cercueils de plomb, en général, appartiennent à l'élite. Parce que ça coûte cher, en fait. Parce que ça coûte cher. Ce sont aussi des cercueils qui sont faits sur mesure. Et le souhait de se faire enterrer dans un cercueil en plomb est aussi lié à un souhait de conservation de son corps à travers les âges. Parce que le plomb, du coup, constitue un matériau totalement étanche qui protège de la dégradation des tissus organiques. Sur les deux sarcophages qui ont été découverts, finalement, il y en a un des corps qui n'a pas été si bien conservé que ça. S'agit du chanoine, je crois. Oui, alors c'est un petit peu la déception. Mais quand on a fouillé les cercueils, on s'est rendu compte qu'ils étaient percés. Pour les deux, ils étaient percés en plusieurs endroits. Donc, ce qui a entraîné, en fait, un apport d'oxygène et une dégradation des tissus humains. Donc nous, quand on les a ouverts, on s'est rendu compte que c'était vraiment, ils étaient à l'état de squelette, tous les deux. Pour le chanoine Antoine de la Porte, il y avait quasiment uniquement que le squelette. Par contre, pour l'autre, la personne dont on n'a pas l'identité, qui est un peu plus ancienne que le chanoine Antoine de la Porte, il était aussi à l'état de squelette, mais on avait encore des restes de peau, des cheveux, des poils, et on avait aussi toute une couronne de végétaux qui était autour de sa tête. Donc, une couronne de fleurs séchées, je crois. Oh, ouais, exactement. Ouais. Donc tout a été prélevé, étudié. Et pour fouiller ça, en fait, on a fait comme pour une fouille archéologique, c'est-à-dire par niveaux successifs. Et à chaque fois qu'on enlevait quelque chose, en fait, on prenait des orthophotographies. En fait, ce sont des photos zénitales qui sont assemblées et ça crée vraiment une vue zénitale parfaite. Et ben, ça, par exemple, ça, c'est toute la documentation de fouilles issue du terrain pour les cercueils. Alors, donc là, ce qui donne vraiment un aperçu de la succession, en fait, des différentes couches archéologiques. Sur l'étude de cet inconnu, qui est un jeune individu, je crois. Oui, les premières... les ossements vont être analysés aussi par des anthropologues. Là, on est sur un individu qui est mort entre 25 et 40 ans, qui a visiblement avait un état de santé assez délabré à sa mort, donc qui peut être la cause de sa mort, d'ailleurs. Notamment, il était totalement édenté. Donc, c'est probablement lié à une pathologie qu'on va déterminer. Voilà. Et donc, il a été embaumé, on le sait aussi, parce qu'il a eu, au niveau du crâne, une sciure. Oui, exactement. Il avait le crâne scié. Je peux vous montrer quelques photos aussi. Et voilà, là, c'est le cercueil de notre inconnu. Et voilà. Et là, c'est vrai que c'est saisissant. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Et là, on voit bien, en fait, comment le crâne a été scié. Donc, ils ont retiré le cerveau. Et on a trouvé aussi des végétaux au niveau de l'abdomen. Donc, ils ont vraiment enlevé les parties molles pour préserver d'une autre manière l'intégrité du corps. Et du coup, la première étape quand on sort d'un chantier de fouilles, c'est d'aller laver le mobilier. Donc, du coup, voilà, on se rend dans la salle de lavage. On se croirait entre la paillasse et la cuisine ici. Oui. Parce qu'il y a des éviers. Ben oui, c'est ça, exactement. Il y a des éviers. Et c'est un processus très, très stéréotypé ou bien adapté, bien sûr, en fonction de... Ben alors ça dépend. Si on lave de la porcelaine du 18e siècle ou du 19e siècle, voilà, à l'eau, à la brosse à dents, il n'y a pas de souci. Par contre, si on lave de la céramique proto-historique, qui est extrêmement fragile, là, pour le coup, ça va être un nettoyage à sec. Donc, on adapte en fonction du mobilier, de sa fragilité. Une connaissance des pièces à avoir quand même avant le lavage, oui. Déjà. Il y a des sortes de pré-analyse. Oui, une pré-analyse visuelle, comme un petit constat sanitaire, finalement. Et voilà, ben ça, c'est des os animaux, des ossements d'animaux. On peut avoir des choses assez étranges, hein, des morceaux. Ce sont des morceaux de fer et qui sont complètement. Ça a l'air friable. Oui. Et une fois que c'est séché, après on les remet dans des sacs et ils sont confiés du coup à des spécialistes qui vont aller les étudier. Salut Fred. Ça va. Ouais, ça va et toi? Donc Fred, ben il est je te laisse te présenter, tiens. Bonjour. Je travaille sur les périodes plus anciennes du paléolithique, moyen, inférieur et moyen. Donc là, c'est plutôt sur Néandertal. Voilà, là, j'étudie un site à Tremblay en France. En fait, tout est relevé sur le terrain, enregistré en trois dimensions avec un théodolite laser. Et ensuite, j'enregistre chaque pièce et après, je peux les traiter entre ma base de données, justement, et les points spatiaux pour traiter de répartition spatiale et de voir s'il y a des zones d'activité, des zones... voilà. Et à la fois des silex qui sont étudiés, de la céramique. Et du coup, il y a mon collègue François Renel, qui est à la fois céramologue pour les périodes modernes et aussi grand spécialiste du site de Petra, en Jordanie, parce qu'il fouille à Petra tous les ans depuis 22 ans maintenant. Donc voilà, toi tu passes aussi, tu fais un gap historique... Et monsieur va aussi à Petra avec moi. Oui. Vous êtes tout terrain. Ouais, bah c'est génial. C'est le but en fait d'un archéologue, c'est d'être tout terrain. Oui, exactement. Et c'est peut-être la grande richesse de l'INRAP. Mmh. C'est comme on est confronté chaque année à des situations différentes, puisque chaque chantier est différent. On a une compétence et une faculté d'adaptation qui est énorme, ce qui nous permet aussi d'aller travailler à l'étranger, de nous acclimater assez facilement à de nouvelles données et de nouveaux chantiers. Merci Céline Lozen et Nafi Terras pour ce reportage. Samuel Guérin, une réaction ou je vous voyais sourire pendant l'écoute? Oui, évidemment, Christophe est un collègue, donc ça m'évoque un petit peu des parcours similaires. Moi, ça m'évoque mes premiers émois devant mes premières momies d'époque tardive à Louxor il y a quelques années. Enfin, il y a de nombreuses années même. et puis des émois qu'on peut encore avoir aujourd'hui en fouillant. J'ai fouillé il y a quelques années, par contre, une nécropole de religieuses à Lille avec une collègue qui dirigeait le chantier, et on a eu la surprise de découvrir comme ça dans l'une de ces tombes le chignon encore bien préservé de l'une des nonnes accroché encore au crâne donc de la défunte. Et voilà, c'est notre travail quotidien, mais on a encore aussi ces émois là voilà, il y a toujours des choses très particulières, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Maxime Rajot, vous aussi une réaction à notre reportage? Ah, c'est très intéressant de voir justement tous les collègues spécialistes qui peuvent travailler ensemble et se compléter là-dessus. Et effectivement, moi aussi, c'est moins agréable quand ça fait appel aux souvenirs du terrain et de toutes ces anciennes momies aussi qu'on a pu voir à Saqqara. Nicolas Delestre, je me tourne vers vous pour avoir vous aussi une réaction à ce reportage et peut-être aussi pour approfondir sur ces fameux cercueils en plomb. Alors effectivement, c'est très intéressant parce que du coup, la trace de momification par le fait d'avoir scié la calotte crânienne. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on retire le cerveau lors de tentatives de préservation de la dépouille? C'est pour éviter le pourrissement de la face. Donc pour que justement, on puisse tenter de conserver. Alors aujourd'hui, sur ces deux cercueils, il y a une estimation de la conservation du corps sur l'un. Sur l'autre, il n'y a pas de certitude, parce que il est possible aussi qu'il y ait eu des tentatives de conservation du corps beaucoup plus légères, sans retirer le cerveau, mais que celle-ci ne soit plus visible et qu'elle n'ait pas fonctionné sur le deuxième cercueil. Alors évidemment, le cercueil en plomb aide à la conservation des corps, il conserve les corps, de même que on retrouve certains corps ou certaines parties de corps préservées lorsque l'on ajoute une pièce lors des rites funéraires dans la paume ou sur les yeux d'un individu, on retrouve effectivement de la conservation puisque les métaux, quels qu'ils soient, ont des propriétés lorsque ils imprègnent les tissus de les conserver. Donc là, ces deux corps retrouvés à Paris sont extrêmement intéressants à étudier et vont donner des nouvelles ressources passionnantes. Vous parlez de cette aseptisation des corps par diffusion de métaux. Plus précisément, pourquoi les cercueils de plomb permettent une conservation optimale, Nicolas Delestre ? Alors déjà, lorsqu'ils sont scellés, par le fait qu'effectivement l'oxygène n'est pas présent, donc ne permet de conserver par cette absence d'oxygène. Il y a également le deuxième concept qui est celui du ruissellement, c'est-à-dire l'imprégnation lorsque les eaux de ruissellement, donc la pluie, etc., vont rentrer en contact avec le plomb. L'eau, si elle passe à travers, va s'imprégner de plomb et va imprégner le corps, donc va aider à la conservation. Parce que les métaux lourds conservent les cellules, conservent les téguments, et donc permettent de préserver la dépouille. Le plomb est connu depuis très longtemps pour ça, mais de même que le cuivre, de même que voilà, l'ensemble des métaux lourds permet la conservation du corps. Et pour compléter aussi par rapport à ce qu'on vient d'entendre, en Europe, l'embaumement était réservé à une élite. Oui, à cause du coût des matières, évidemment. À cause aussi du manque de praticiens, hein, puisque du coup, très peu de personnes étaient capables de... Au départ, ce sont les bouchers qui pratiquaient l'embaumement, puisque c'était ceux qui étaient capables, justement, le mieux de travailler le corps mort. Alors, ce qui coûtait extrêmement cher, c'est la technique, c'est évidemment les baumes associés, l'ensemble des plantes, la pharmacopée utilisée, en fait, pour la conservation des corps. C'est aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire le bon de l'étage, le plomb, le séchage, le temps. Donc évidemment, ces embaumements étaient réservés à une élite qui avait les moyens de payer et où il y avait un intérêt à la conservation du corps. On a parlé, vous nous avez parlé des techniques dites par voie humide, où on plongeait les corps dans du fluide. Ces techniques-là sont devenues... il y a eu des avancées avec l'avancée de la médecine où là, on s'est mis ensuite à injecter des fluides, Nicolas Delestre. Oui, tout à fait. En fait, l'avancée des techniques en médecine, la découverte du système sanguin, etc., ont permis en fait d'envisager autrement la conservation des corps. Et du coup, on va commencer à se servir du système sanguin artériel pour injecter des fluides de conservation. Et petit à petit, on va se passer de cette voie humide. Et c'est vraiment le 19e siècle qui va permettre, et notamment les Italiens qui vont permettre avec Tranquina, de déterminer des techniques d'embaumement, déterminer aussi des fluides, qui vont permettre de faire avancer la conservation des corps. Et ça va révolutionner le monde du funéraire. Mais comment, plus précisément, comment ont évolué les techniques d'embaumement à partir du 19e siècle en Europe ? Alors très peu finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Tranquina va stabiliser la technique de l'injection par la carotide, donc en l'occurrence la carotide gauche pour être plus proche de la crosse aortique, eh ben en fait la technique va se stabiliser. C'est-à-dire que même aujourd'hui la thanatopraxie utilise l'injection par voie artérielle de fluide. Donc le principe reste le même que celui découvert au 19e siècle par Tranquina. Ce qui va réellement changer, ce sont les fluides. Donc on va utiliser au 19e siècle de l'arsenic, des substances qui sont extrêmement toxiques, et la découverte du formaldéhyde donc va permettre de stabiliser un fluide. Et ce fluide, donc le formaldéhyde, qui est de but un gaz, va être mis en évidence dans la seconde moitié du 19e siècle, et on l'utilise encore aujourd'hui pour la conservation des corps. Oui, Finalement, les techniques et les fluides utilisés aujourd'hui sont des techniques du 19e siècle. Oui, c'est ça, c'est que la thanatopraxie, on peut parler d'un embaumement à courte durée dans nos pratiques funéraires contemporaines. Oui, oui. Puisque du coup, en fait, la loi aujourd'hui autorise à 7 jours de conservation, après il faut que la nature reprenne ses droits. Du coup, évidemment, les produits qui étaient utilisés au 19e siècle, le chlorure de zinc, l'arsenic, etc., ne peuvent pas être utilisés parce que la reprise de la putréfaction naturelle ne peut pas être gérée sur des produits comme le chlorure de zinc. Le formaldéhyde, par contre, lui, par dosage, etc., permet aux praticiens de pouvoir envisager une reprise de la putréfaction des corps. Eh bien, merci à vous trois pour ce tour du monde et cette histoire de l'embaumement. On n'a pas parlé d'une des rares techniques de momification vivante et volontaire, le suicide rituel des moines japonais, les Soku Shimbutsu. Merci en tout cas. Je vous invite à aller voir l'exposition Ramsès et l'or des pharaons pour voir le sarcophage de Ramsès II. Mais là, il est temps de retrouver Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment. Comment certaines découvertes augmentent notre ignorance. Dans l'une de ses chroniques, Alexandre Vialat écrivait « L'esprit de l'homme ne cesse de rêver, mais aussi de méditer, de supputer, de calculer. Il a envie de savoir et besoin de ne pas comprendre. Bref, de connaître et de s'émerveiller. Nécessité contradictoire. L'une exige de savoir et l'autre d'ignorer. D'où la science et la poésie. » Fin de citation. Il avait raison, car oui, ce qui nous passionne en définitive, ce sont les énigmes. Or, des énigmes, justement, la physique, notamment la cosmologie, autrement dit la physique de l'univers, n'a jamais manqué d'en produire. L'univers est-il vraiment né? Si oui, comment? De quoi est-il fait? Qu'est-ce qui pilote son évolution? Finira-t-il un jour? D'autant que ces mystères pourraient encore s'épaissir, car il arrive que de nouvelles découvertes accroissent notre ignorance. Plus précisément, elles augmentent la connaissance que nous avons de notre ignorance. Grâce à elles, on découvre soudain qu'on ne savait pas, alors même qu'on croyait savoir. D'un coup d'un seul, les perspectives changent et l'horizon se reconfigure. Par exemple, à la fin des années 1920, l'idée selon laquelle l'électron et le proton suffisaient à rendre compte de la totalité de la matière était acceptée par presque tous les physiciens de premier plan. Mais les années qui suivirent ne cessèrent de leur donner tort. De nouvelles particules furent détectées les unes après les autres, quasiment à une cadence d'essuie-glace. À partir de ce moment-là, c'est toute la conception de la matière qui fut bouleversée. Il y eut d'abord la découverte du neutron en laboratoire, puis celle d'autres particules présentes dans le rayonnement cosmique. Le positron, c'est-à-dire l'antiparticule de l'électron, de même masse que lui et de charge opposée, puis le muon, qui est une sorte d'électron lourd, 200 fois plus massif que lui, puis le pion, qui est une particule sensible à l'interaction forte, que les protons et les neutrons s'échangent au sein du noyau atomique. Aujourd'hui, alors même que plusieurs centaines d'autres particules ont été découvertes grâce aux accélérateurs et aux collisionneurs de particules, les physiciens savent qu'ils ignorent la nature des éléments principaux du mobilier ontologique de l'univers. Grâce à des observations astrophysiques permettant notamment de déterminer la densité moyenne de l'univers, ils ont constaté que la matière telle qu'ils la connaissent ne constitue qu'une très faible part du contenu de l'univers, et que tout le reste leur échappe. Nul ne peut prétendre qu'il s'agit là d'un problème marginal ou anecdotique. Tout d'abord parce qu'en cosmologie, contenu et contenant ont partie liée. Selon la théorie de la relativité générale publiée par Einstein en 1915, ils adhèrent l'un à l'autre. Dès lors que le contenu de l'univers joue un rôle crucial dans la dynamique de son évolution, la question de sa nature rejaillit, par ricochet causal, sur celle de l'origine de l'univers et sur celle de son devenir. Ensuite, parce que ces problèmes conduisent certains physiciens à douter de la validité des lois physiques utilisées pour décrire l'univers à grande échelle. Or, si les lois générales de la cosmologie étaient amenées à changer, nos discours en seraient à coup sûr affectés. C'est pourquoi, depuis quelques années, les physiciens, plutôt que de voir la vie en rose, donnent parfois l'impression de broyer du noir, ce qui a pour effet paradoxal d'exciter leur imaginaire et de leur faire passer des nuits blanches. Ils parlent de matière noire et d'énergie noire. Dans le langage courant, le mot noir sert à dire tantôt l'obscur, le mystérieux, l'effrayant, tantôt le caché, l'inconnu ou l'opaque. Mais que veut-on signifier lorsqu'on dit d'un corps, d'un milieu, d'un objet ou d'une substance qu'ils sont noirs? C'est ce qu'il nous faudra paradoxalement tirer au clair. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe, Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Nafi Terras, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Noé Chabanne.